a rien à dire, qu'il va commencer à se retenir. Et les chanteurs, ça donne le droit de parler que de lui, et lui c'est moi. C'est pas qu'il semble pas concerné par les problèmes de notre société, mais comme il aime à le répéter, tout est question de priorité. Il est chanteur, ça donne le droit de parler que de lui, et lui c'est moi. Il est chanteur, ça donne le droit de parler que de lui, et lui c'est moi. Ainsi dire, banal, ni plus de rêve, ni plus d'espoir. Et il est le premier à le savoir, mais ça ne l'empêche pas de chanter. Bien au contraire, faut profiter du fait que sauf énorme coup de bol, personne n'écoute les paroles. Il est chanteur, ça donne le droit parler que de lui, et lui c'est moi. Il est chanteur, ça donne le droit parler que de lui, et lui c'est moi. Grand, des trucs moyens, mais vu que lui et toi c'est moi, ça parle aussi, ça marche comme ça, ça te fait pas réfléchir longtemps, mais tu souris, c'est suffisant pour que lui continue de croire que ses chansons méritent mieux qu'un tiroir. Il est chanteur, ça donne le droit de parler que de lui, et lui c'est moi. Il est chanteur, ça donne le droit de parler que de lui, et lui c'est moi.